السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل العلم حجة علينا بل لنا. أما بعد، donc inshallah on va procéder à la révision du cours du lundi dernier, dans lequel on a pu prendre une année de nombreux thèmes. Le premier thème qu'on a, ou le premier jugement qui a été sur lequel on a commencé, c'était le jugement des prières dans les lieux de transport tels que les bateaux et les avions. Donc, qui c'est qui peut nous rappeler quel est le jugement de la prière dans ces lieux, dans ces endroits-là? Elle est possible. Autorisée si on a peur de rater l'heure de prière. C'est jaiz, et la preuve qui nous prouve cela, qui se rappelle de la preuve, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui l'empêche. C'est que c'est possible de le faire. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit: la terre et ces endroits m'ont été assujettis comme lieu de prière. Donc, tant qu'on n'a pas une preuve qui nous prouve cela, ou le contraire, c'est-à-dire l'interdiction, il est tout à fait possible que tu pries dans cet endroit-là. Puis après, il y a des restreintes, il y a des conditions, comme ça a été évoqué par le frère Barahman, Wafaqahullah. Et le fait que tu ne la fasses pas sortir de son heure. Si jamais tu as peur de la faire sortir de son heure, tu dois, tu peux la prier dans ces endroits-là. Pourquoi? Pourquoi les ulama, ils ont ramené cette restriction, c'est-à-dire cette condition? Et si jamais la personne a la peur de louper la prière, pourquoi ils ont ramené cette condition? À cause de la qibla. Car la qibla, c'est une condition parmi les conditions de la salah. Celui qui ne se dirige pas vers la qibla, comme c'est le cas dans les lieux de transport, il ne peut pas se diriger vers la Qibla. Du moins, il ne peut pas rester tout au long de sa prière sur la direction de la Qibla. Car l'avion ou bien le bateau, il va être amené à bouger, à dévier de la direction de la Qibla. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ramené cette condition. À partir du moment où tu as peur de la faire sortir de son heure, il est possible que tu puisses prier. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fattakullaha mastata'tum. Et criez Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le, selon vos capacités. Donc lui, il a fait ce qu'il pouvait. De peur de ne pas faire sortir la salat, il a prié dans ces endroits-là. Kazalika, on a vu que celui qui est à bord de ces moyens de transport, il a la possibilité de prier assis. Il a la possibilité de prier assis, même s'il a la capacité de se tenir debout. Pourquoi? S'il a peur de tomber. S'il a peur de tomber, se faire mal. Et son jugement, il sera tel à la personne qui n'est pas capable de se tenir debout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. Si tu n'as pas la capacité de te tenir debout, tu t'assois. Comme c'est le cas de la personne qui est dans ces moyens de transport-là. Il n'a pas la capacité de se tenir debout, même si jamais il n'est pas handicapé physiquement. Cet endroit-là fait qu'il ne peut pas se tenir debout. Donc son jugement est tel que celui qui n'a pas la possibilité de se tenir debout. Kadhalika, parmi les jugements qui ont été rapportés, ou parmi les fawaïd qu'il a ramené chez Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il est possible. هكذا قال ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. دي c'est tout à fait possible de s'appuyer sur de s'accoder que ce soit un pilier ou une colonne et tout ça, ou bien de s'appuyer sur un bâton pendant la prière. Est-ce que c'est possible de manière générale, ou y a-t-il des conditions et des restrictions? La condition que la personne est en prière sur obligatoire, yani في النوافل يجوز له. في النوافل يجوز له أن يعتمد على العصا والعصي والعمود. كل هذه الأشياء يجوز. يعني il est possible qu'il s'appuie sur ces choses-là dans les prières obligatoires. Mais dans la prière obligatoire, il n'est pas permis de faire ça. Si jamais il n'a pas la capacité de se tenir debout, et bien il s'assoit. Il ne s'appuie pas sur des bâtons. Il ne s'appuie pas sur des bâtons, une colonne ou autre. Il s'assoit directement. Par rapport au dalil, صلي قائما فإن لم تستطع فقعد. ما قال فإن لم تستطع فاتكي على العصا. Si tu n'as pas la capacité, appuie-toi sur un bâton. Donc ça nous montre que la deuxième étape, après l'incapacité de ne pas pouvoir se tenir debout, c'est quoi? C'est de s'asseoir. Et comme on a pu voir, ceci n'annule pas la prière. Est-il possible de réunir dans une même prière, est-ce qu'il est possible que tu pries debout et que tu pries assis? Ou bien est-ce qu'il est possible dans une même unité de prière de prier debout et assis? Non. Il est possible. Dans quel cas? Arsène Thomas. Dans quel cas? Prière sur Zata. Non. La prière de nuit, comme cela a été rapporté par Aïcha. Radiallahu ta'ala anha, qalat kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'idan wa laylan tawilan qa'iman. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui arrivait de prier des fois debout et des fois assis. Et hatta kadhalika, j'ai anha, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli wa huwa jalisun. فقرأ ثم لما أراد الركوع قام فكمل القراءة ثم ركع ثم سجد. يعني متفق عليه من حديث يجي que le prophète sallam dans une unité de prière il a prié, il a débuté la prière assis, ensuite juste avant qu'il souhaitait يعني faire le ركوع il se leva pour compléter la lecture qu'il avait commencé assis, c'est-à-dire debout, il a fait ça debout, et ensuite il faisait le ركوع assis. Donc ça nous prouve qu'il a la capacité de faire ça bila udhr. Donc comme on a pu le voir, celui qui fait ça sans nécessité dans la prière surrogatoire, sa prière elle est naqisa. Au niveau de la récompense, sa prière elle sera yani naqisa. C'est-à-dire, comme on a pu le voir, celui qui prie assis aura la moitié de la récompense de celui qui aura prié debout, et celui qui aura prié naam allongé, il aura le quart de la récompense de celui qui sera tenu debout. Quelle est la meilleure manière de prendre lorsque la personne prie assis? Les jambes croisées, comme les compagnons en tailleur, exactement, en tailleur. Est-ce que ceci est préférable? C'est une sunna, le fait de prier mutarabbi'an. Est-ce que c'est une sunna, le fait de prier en tailleur? Non, ce n'est pas une sunna. Lakin, kayfa, ce n'est pas une sunna. Yani Aïcha, j'ai un hadith, anna Aïcha qalat kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli mutarabbi'an, ay jalisan. Il y a un hadith qui est venu qui nous dit que le prophète sallam, il avait pour habitude lorsqu'il était assis de prier en tailleur. Ce hadith-là ne prouve-t-il pas que c'est une sunnah? Parce qu'il l'a fait, un nabi sallam. Il est fait d'après Cheikh Mughbal. Cheikh Mughbal, il a ta'ar al hadith. Il a jugé de faible. Donc ça veut dire que la personne elle est libre de s'asseoir comme elle veut. Mais à partir de quel moment? À partir du moment où la posture qu'il a pris, ça s'appelle une assise. Ça s'appelle une assise. Tant que ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle une assise, il a le droit de le faire. Mais à partir du moment où ce n'est pas jugé comme une assise, il n'a plus le droit de le faire. Ou ça ne s'appellera pas une assise. Donc, comme on a pu le voir, il y en a comme l'a évoqué Abdurrahman, mais c'est bien de le faire car des compagnons l'ont fait. Qui se rappelle des compagnons qui ont fait cela? C'est-à-dire, il y en a de prier assis, mutarabbihan, en tailleur. Qui se rappelle de ces compagnons-là? Si vous vous rappelez, on a évoqué trois compagnons. Naham, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et l'autre, Inch'Allah, Manikamil, qui complète la réponse d'Abdurrahman. Je vous donne un indice, c'est le deuxième calife. Omar, Ibn Khattab, Omar. Omar. Ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Donc ces trois compagnons, il a été authentifié de ces trois compagnons, comme l'a évoqué Cheikhana Mohammed ibn Hizam, hafidhahullahu ta'ala, que ces trois compagnons-là ont prié assis en tailleur. Donc, la basse qui prie en tailleur, il a certes un salaf, ou nous salafiyyun. Est-ce qu'il est possible de prier avec ses claquettes? Ma huwa dalil? C'est quoi la preuve qui prouve cela? Le prophète sallam l'a fait. Comme ça a été authentifié par un muttafaqan alayhi hadith, un anas ibn malik, un hadith Aïcha. Peux-tu nous rappeler le hadith Aïcha? Khalif al-Yahoud, c'est ça que tu veux dire? C'est Aïcha, non? C'est une arabe. J'ai oublié si c'est Aïcha ou pas. Différenciez-vous? Non. Les juifs, car nous pouvons prier avec leurs sandales. Et le khifaf, non. Adahwa. Au cas d'Alka, hadith Anas. Hadith Anas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sou'ila. Hal Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala naham. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier avec ses claquettes ou avec ses sandales? Il répondit oui. Et kadhalika, ce hadith-là, qui est le hadith le plus qawi dans ce sujet-là, Annabi sallallahu alayhi wa sallam, khalifu al-yahoud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la fi khifafihim. Différenciez-vous des yahoud, car ils ne prient pas avec leurs sandales, et ni avec les khifaf. quel est le jugement quant au fait de prier avec ses sandales? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est sur c'est préférable, mustahab, ou bien c'est jaïs, préférable? Wa Nabi sallam yaqul khalifu al-yahoud, différenciez-vous des juifs, al-maghdubi alayhim, ikhwan al-qiradat wal-khanazir, différenciez-vous des juifs, des maudits. Y a-t-il pas à travers cet ordre-là, yani, on ne peut pas déduire de cet ordre-là yani, que c'est une obligation. Il nous dit différenciez-vous des Yahoud. Mon Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui s'identifie à un peuple, il est semblable à ce peuple. Hein? Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, et il s'est déjà venu à Naham. C'était un conseil. Non, c'était un conseil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, comme cela est rapporté par le hadith Abu Huraira, عند Abi Daoud, si mes souvenirs sont bons, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani salla يوم فتح مكة ووضع نعليه عن شمعه يمينه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le jour de Fath Mecca, il a prié pieds nus en mettant ses claquettes à gauche. En mettant ses claquettes à gauche. Donc ceci nous prouve que et le fait qu'il le fasse, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça nous prouve que ce n'est pas ordonné. Je veux dire, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas imposé. Mais c'est préférable. Et très, très, très même comme ils disent le ulama, sunnah mu'akkada. C'est très conseillé. C'est très conseillé de faire ça. Car yani, il y a, à travers cela, tu te différencies des Yahoud. Et ça, c'est très conseillé de le faire. Tamam. إذا يعني صلى إذا صلى يعني بدون نعال يعني حافيا ici on est pris pieds nus et il a ses claquettes avec lui où il doit poser ses claquettes s'il y a personne à sa gauche. En fait, j'ai répondu à la question en fait. Ou non. Et s'il y a quelqu'un à sa gauche, il est où? S'il y a quelqu'un à sa gauche entre ses pieds ou bien sinon il prie avec. Soit il prie avec ou soit ce qu'on dit même c'est mieux qu'il prie avec ou bien soit il Naham, il les met entre ses jambes. Est-il possible de les mettre à droite, même s'il n'y a personne? Non, ce n'est pas possible. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, فَلْيَضَعْ عَنْ يَمِينِ عَنْ شِمَالِ qu'il les mette à sa gauche. Donc le fait qu'il les mette à sa gauche, il ordonne de les mettre à sa gauche, ce n'est pas pour les mettre à droite. Donc il n'est pas جَاِيَ Naham, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et كَذَلِكَ il a ordonné de les mettre à gauche. Donc, comme on a pu le voir, الْأَمْرُ بِشَيْءٍ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ Et lorsque il nous est ordonné une chose, ça implique l'interdiction de s'en opposer. Quel est l'opposé de la gauche? La droite. Il nous ordonne de le mettre à gauche, c'est-à-dire comme s'il disait, ne le met pas à droite. Car comme on a pu le voir, c'est une qa'ida, fi d-din, ou fi l-usul, anna l-amr bi-shay yastalzimu an-nahyu an diddi. D-din, lorsqu'il ordonne une chose, ça implique l'interdiction de s'en opposer s'il a un opposé. La gauche, elle a imposé, c'est la droite. Donc, ça implique son opposé, ça implique l'interdiction de l'opposé. Tamam, al-an, yani, al-yom, yani, ba'd al-ulama, al-ajilla, yakouloun, la tasluh al-salat bin-ni'al fi, zemanina hada. Il dit, c'est pas possible de prier avec les ni'al à notre époque. Pourquoi? Parce que les tapis sont ornés, les tapis sont d'une grande valeur, le fait que tu les piétines, tu vas abîmer les tapis. Est-ce que c'est un argument qui est suffisant selon toi? La sunna elle est plus chère que les tapis. Ça c'est une bonne réponse à l'ordre. La sunna arfa wa aghla fi a'yunina wa qulubina wa ajal. La sunna elle est plus illustre dans nos cœurs, dans nos yeux que ces tapis-là. Ces tapis-là, ils vont te ramener un jour à être changé. Amma la sunna, le fait que tu l'oublies, tu es en train d'enterrer une sunna. Donc pourquoi vendre une sunna au dépit de. Au début des tapis. Et Kaza, les tapis, il nous a pas été ordonné d'acheter des tapis pour les mosquées d'une valeur qui est beaucoup plus qui est énorme. Il nous a pas ordonné cela. Ils disent, il y a le fait de prier, de prier en sandales sur ces tapis-là, c'est du gaspillage en gros parce que tu vas abîmer les tapis. Nous, on dit dans l'axe, le gaspillage, il est dans le fait que toi, tu achètes des tapis de grande valeur. Parce que tu peux acheter un tapis d'un prix qui est convenable, qui aboutira à ce que tu puisses faire cette ibad. Et qu'à l'école, on leur dit, regardez les kuffars. ceux qui n'ont pas d'iman billah, ils n'ont pas de raja, d'espérance de rencontrer Allah Azza wa Jal et d'avoir la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, dans leur dunya, ils mettent les tapis les plus beaux. Et sans se préoccuper de celui qui a nettoyé ses claquettes ou bien qui les a frottées sur le tapis au préalable avant d'entrer dans la société. Donc, Yanni, comment, si jamais ces personnes-là, ils édifient des choses, ou ils édifient des bâtiments, les dunya et nous, on édifie des choses pour l'akhira ou l'ibadah, pour l'adoration, tamam, et on n'applique pas cette sunna, et eux, même si ce n'est pas une sunna, ils rentrent dans leur société avec des claquettes. Donc, ça nous prouve vraiment que l'argument qu'ils ont ramené pour cela, il n'est pas crédible à Baden. Et Mayaslof, il ne convient pas de s'opposer à la sunna par des idéologies. Et la dernière masala qu'on avait prise, c'était la salat halal minbar. La salat halal minbar, le fait de prier sur les chairs. Quel est le jugement de cela? Non. À partir du moment où tu veux, yani tu allais men nas, jaza zalik. Kama thabata an nabi sallam, salla ala asl minbar. Quelle est la sunna par rapport aux marches de du minbar? Quelle est la sunna dans cela? Combien de marches doit avoir le minbar? Pas plus 3. Non, pas plus 3. Celui qui fait plus 3, comme l'a dit Cheikh l'Albani, c'est une bid'a. Au cas les cas, ça fait partie de la bid'a, le fait de le mettre, comme c'est le cas dans Sultan Hamman, le pays qui est à droite du Yémen. Tu vois le minbar? Allahumma barak, c'est comme si jamais tu étais au théâtre. À une hauteur, plus de des fois 3-4 mètres, la khatib avant qu'il arrive là-bas, justement sur le minbar, j'en suis tellement éloigné. Donc ça, c'est une bid'a. Kata al-Ikar, qui peut nous rappeler la description de la prière que doit avoir l'imam lorsqu'il prie sur le minbar pour enseigner les gens la prière, pour enseigner aux gens la prière? Quelle est la description de la prière? Non, alors. Il prie, il fait le takbir, et il lit, il fait le recours, tout en étant sur le minbar. Non. Et lorsqu'il veut se prosterner, et lorsqu'il revient du recours, deuxième, il revient en arrière, sans dévier de la qibla, tout en restant en face, en reculant comme ça en arrière. Et ensuite, il fait sujoud en étant sur, en posant son front sur la première marche du minbar. Et ensuite, la deuxième raka, dès qu'il a fini la prostration, il se lève et il monte sur le minbar. Et il refait la même chose. Cheikh Kadalika, parmi les fawl qu'il nous avait ramené avant de finir, Inch'Allah, la révision, il nous avait parlé des mihrab. Les mihrab. Et c'est quoi le jugement des mihrab dans l'islam? Ou plutôt des mihrab. C'est une innovation, une bid'a. C'est une bid'a. Le Nabi sallam, قال الله سبحانه وتعالى وهو قائم يصلي في المحراب. Lorsqu'il raconte les récits de Zacharie, il nous dit, et il était debout en priant dans le mihrab. Comment ça peut être une bid'a alors que dans le Coran, c'est venu à deux fois? Non, ça n'a pas le même sens. Quel est le sens de mihrab dans le verset? Lieu de prière. Et Shirihya, hafidhahullah ta'ala, si vous vous rappelez, nous a dit, même si jamais on laissait entendre que le sens du mihrab dans la ayah, dans le verset, c'est le même sens que les mihrab qui sont pris comme bid'a dans les mosquées. Comment on répond à ces personnes-là? Naam. Adahwa. Ani, al-Nabi sallam, sa législation, elle abolit, elle abroge la législation qui vient avant lui. Au cas de l'écart, on va faire avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou la Sahaba, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. وavant de commencer de rentrer dans le cours, je tenais à vous informer que là on a déjà passé un petit cap là, on va arriver à peu près un tiers du livre. On nous Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on aura fini ce livre là bi'idhnillah azza wa jal, inshallah il y aura une grosse révision, c'est-à-dire du début du cours jusqu'à la fin du cours, avant qu'on passe à un prochain livre. Donc cette révision-là, peut-être qu'elle va durer un ou deux cours, tamam. Mais elle est muhim majid dan. Pourquoi? Parce que c'est la salah. La salah, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est même, naham comme est venu le hadith, umoud l'islam. Tamam, c'est le pilier de l'islam. Donc, inshallah, on va procéder, lorsqu'on aura fini ce livre-là, à une grosse révision. C'est pour vous inciter à ce que vous commencez déjà à pouvoir réviser. Et inshallah, le frère Abdurrahman, lorsqu'Allah lui wafaqahu fi dhalika, il va se charger de rénumérer à peu près toutes les questions qu'ils ont. J'ai commencé, ça va prendre un peu de temps. Naam, lorsqu'Allah yu'inuk. Wa kadhalika ana, je vais t'aider, inshallah, pas de problème. Et toutes les personnes qui peuvent aider Abdurrahman, il aide, kadhalika, tamam. Il va réunir toutes les questions qu'on a pu poser, ou qu'on va poser, inshallah, par rapport à Sifat al-Salah, tamam. Et ensuite, ça vous aidera, inshallah, à réviser et à vous présenter au jour du contrôle, on va dire ça comme ça. Avant qu'on commence, il y en a l'autre livre. Ça, c'est pour que vous commenciez, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est un peu long et qui va prendre peut-être une vingtaine, ou peut-être même trentaine de cours, Allah alam. Donc, c'est pour que vous commenciez déjà à réviser, et chacun, inshallah, selon sa méthodologie. On a Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها quel est le jugement où il nous dit il est obligatoire au musulman de prier vers une sutra et de se rapprocher de cette sutra وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها قال رحمه الله تعالى ويجب أن يصلي إلى سترة il nous dit il est impératif il est obligatoire que le musulman المصلي Wal muslima kadhalika, yani lorsqu'il prie, il se dirige vers une sutra. Il se dirige vers une sutra. Prier vers une sutra est une obligation, comme l'a évoqué Cheikh, yadibu, yani il est obligatoire. Et ceci est l'avis, même si jamais ceci est l'avis d'une infime partie parmi les ulama, mais ces personnes-là, ils ont avec eux une preuve, yani qui nous prouve cela. La preuve en est par Hadith ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, inda l'imam ibn Khuzaima. وصححه الألباني رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين سترتك تمام الحديث اللي توصفيه par الإمام الألباني رحمه الله تعالى dans lequel ابن عمر رضي الله تعالى عنه nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné en disant لا تصلي إلى إلى سترة ne prie que vers une sutra, ne prie que vers une sutra. Donc ce hadith-là nous prouve que le fait de se diriger ou bien de prendre une sutra pendant la prière, c'est une obligation. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de ne pas faire cela. Il a interdit de délaisser la sutra. La tusalli illa ila sutratin. Ne prie que vers une sutra. Donc ce hadith-là nous prouve clairement que yani, ceux qui voient que c'est une obligation, leur avis est juste. Leur avis est juste car Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur donne cela et le hadith, il est authentique. Ou dans ce hadith, il y en a comme on l'a évoqué, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tusalli illa ila c'est un ordre. Yani donc l'ordre comme c'est ma'rouf, yani lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur donne une chose, c'est une obligation qui est imposée à la communauté jusqu'à preuve du contraire. Donc ce hadith est autre car il y a plusieurs preuves mais je me contente d'un hadith nous prouve que la sutra dans la prière est une obligation, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et le fait qu'il ordonne, c'est une obligation, jusqu'à preuve du contraire. Donc celui qui la délaisse, qu'on a pu voir dans la définition du wajib, tout au début du dars, ou dans les premiers cours, toute la définition du wajib, c'est celui qui la délaisse, ou le jugement plutôt, celui qui délaisse une obligation, se voit exposé au châtiment avilissant, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, lana wa lakum al-isma, yawm al-qiyama, wa fit dunya kadarika. Celui qui délaisse une obligation, il s'est certes exposé au châtiment avilissant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà s'il ne se repent pas de cela. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tusalli illa ila sutratin » ne prie que vers une sutra, cette obligation, cet ordre, il est adressé à une partie parmi les musallin. À une partie parmi les musallin. « Laisa kulluhum » c'est pas tous les musallin à qui cet ordre-là il est adressé. Tamam. Cette obligation-là, elle est adressée à l'imam ainsi qu'à celui qui prie individuellement, c'est-à-dire qui prie individuellement, il prie tout seul. Donc, lorsque Nabi Sassam dit La tusalli illa ila sutratin, cet ordre-là, il est adressé à l'imam ou bien à celui qui prie tout seul, individuellement. Tamam. Quant aux personnes qui sont présidées par un imam, la sutra de l'imam a suffi à ces personnes-là qui sont présidées. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont présidées par un imam, ils n'ont pas besoin de mettre eux aussi devant eux une sutra. La sutra de leur imam, à l'heure, suffit. Donc ça nous prouve, comme on va le voir avec le hadith qui nous prouve cela, que l'obligation, elle est adressée aux personnes tel que l'imam est celui qui prie individuellement, tamam, et pas au mushallou, ou ceux qui sont présidés par un imam. Et la preuve en est par hadith Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, أنه مر بين يدي أو مر بين يدي بعض أهل الصف فدخل في الصف فلم ينكر عليه أحد فقال فلم ينكر عليه أحد متفق عليه. Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه un jour passa entre les rangs lorsque la prière en fut présidée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il passa entre les rangs, tamam, et il dit personne m'a reproché cela, personne m'a reproché cela. Donc cela nous prouve que si la sutra aurait été obligatoire à ceux qui sont présidés, ceux qui se font présider par un imam, jamais Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, ne se serait permis de faire cela, c'est-à-dire de passer entre les rangs de personnes présidées. Car comme on va le voir, ceci est une interdiction. C'est interdit de faire cela. Et qu'à tel cas, les personnes, si jamais les personnes qui ont été présidées, si jamais cela aurait été une obligation, ils auraient repoussé Ibn Abbas et ils n'auraient pas laissé passer entre eux et la sutara. Comme a dit Ibn Abbas, personne d'entre ces personnes-là, dont je suis passé entre eux et la sutra, ne m'ont reproché, m'ont réprimandé cela. Donc cela nous prouve qu'il est tout à fait possible au musalli, celui qui est présidé, de ne pas prendre une sutra. Donc l'ordre est adressé, comme on l'a dit, à l'imam et à la personne qui prie individuellement, c'est-à-dire tout seul. L'imam Abu Zinad, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands salafs, nous dit que les al-fuqaha al-sab'a, c'est-à-dire les sept jurisconsultes de Médine, ainsi que l'imam Malik wa Shafi'i, rahimahumullah ta'ala, ont pour avis que la sutra de l'imam est suffisante à ceux qui sont sous la présidence de la prière. Car le prophète sallam, il n'a jamais ordonné aux personnes qui étaient derrière lui, c'est-à-dire qui priaient derrière lui, de placer une sutra devant eux. Donc si jamais cela aurait été une obligation, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ordonné aux personnes, à ces personnes-là, de mettre une sutra devant eux. Donc cela nous prouve et nous fortifie et appuie l'avis de l'imam Abu Zinad, ainsi que Al-Fuqaha Al-Sab'a wa Shafi'i, l'imam Shafi'i al-Malik, qu'il n'est pas obligatoire à la personne qui est présidée de mettre une sutra devant lui, et que l'ordre dans le hadith « La tusalli illa ila sutratin » il est avisé aux personnes telles que l'imam et celui qui prie individuellement. Quant au hadith d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel il est évoqué « Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ila ghayri jidar » Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ila ghayri jidar. Dans ce hadith, il nous dit qu'il a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il est dit qu'il était arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il prie sans s'orienter vers un mur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme c'est l'avis de la majorité des savants, ils ont pris ce texte-là pour argumenter le fait qu'il est préférable et non obligatoire de prier vers une sutra. De prier vers une sutra, et ce n'est pas une obligation. Ils ont pris ce texte-là, ainsi que le texte qu'on a pu voir juste précédemment, la tushal et la sutra, ne prie que vers une sutra. Ils ont dit cet ordre-là qui est énoncé dans ce hadith n'est pas une obligation, mais un ordre, c'est préférable, c'est un conseil. Quelle est la preuve de ces personnes-là? Ils disent, hadith ibn Abbas, il nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, un jour il a prié, ou il avait l'habitude de prier, sans s'orienter vers un mur. Sans s'orienter vers une sutra. Donc il nous dit, le fait qu'il ne s'est pas rentré ce jour-là vers la sutra nous prouve que l'ordre ou naam qui est ordonné qui est énoncé dans ce texte-là, là tout seul il est sotaratin, ça nous prouve qu'il est un conseil, une recommandation et non une obligation. Les personnes de l'avis premier, c'est-à-dire ceux qui voient que c'est une obligation de prier vers une sotara, ont répliqué à cet argument en disant, comme cela est le cas de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, qui nous dit ce hadith-là, il est plus juste et qu'il soit qualifié de faible, même si jamais il a été évoqué dans le recueil de l'imam al-Bukhari, qui est le kitab le plus authentique après kitab Allah Azza wa Jal. Il nous dit ce hadith-là, il est plus apte à être jugé de faible que dire qu'il est authentique, même si jamais il fait partie des recueils ou des hadiths qui sont dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Comme vous pouvez peut-être le savoir, c'est pas tous les hadiths qui sont dans le Bukhari, il y a une infime partie qui ne sont pas sahih ou bien yani, qui ils ont une illa, ils ont un défaut. Et Cheikh Al-Albani il voit que ce hadith là il fait partie des hadiths, du nombre infime des hadiths qu'il y a dans le Bukhari et qui ne sont pas qualifiés d'authentiques. Ça c'est l'avis de l'imam Al-Albani. Certaines, pourquoi il dit cela? Parce qu'ils disent que cela yani, rentre en contradiction avec de nombreux hadiths dans lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ordonne que la prière soit faite vers la sutra. D'autres ulama, ils ont répondu que le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié vers un mur, ça n'implique pas qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas placé dans lui une sutra. Comme, Inch'Allah, comme on va le voir, il est possible que la personne prenne pour sutra soit une lance, ou soit naham, barakallahu fikum, comme un bâton, ou il mette quelque chose dans lui. Ce n'est pas forcément que ce soit un mur. Donc il nous dit le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié vers un mur, cela n'implique pas qu'il n'a pas prié ou qu'il n'a pas mis devant lui une sutra. Et ça, Yanni, c'est un avis qui est. Ou bien cette audit, le fait d'orienter ce hadith-là vers cette compréhension-là, est plus apte qu'à juger yani, du hadith en disant qu'il est faible, car comme vous pouvez le savoir, yani, il est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, qui fait partie des hadiths qui sont les plus authentiques, et si jamais les imams qui ont précédé l'imam al-Albani n'ont pas jugé de faible, yani, c'est mieux de prendre, yani, comme ils disent, yani, des pincettes et ne pas juger de ce hadith-là en disant qu'il est faible. Donc Yanni, si jamais on a une possibilité d'orienter la compréhension de ce hadith-là vers une autre, tout en disant que ce hadith-là il est sahih, c'est mieux. Comme c'est le cas, Yanni, de la plupart des savants, ils disent, comme j'ai pu vous l'évoquer, qu'il est plus apte à dire que ce hadith-là nous prouve ou n'implique pas qu'il est forcément obligé à la personne de prier vers un mur. C'est pas obligé qu'il prenne ça vers un mur. Et ça n'implique pas que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a pu mettre quelque chose devant lui, comme on va le voir, Inch'Allah. Il y a des hadiths qui nous prouvent cela. Il y a des hadiths qui nous prouvent ceci. Et parmi le troisième, j'ai oublié, la troisième compréhension qui a été donnée à ce hadith, c'est au troisième argument qui nous prouve que ce hadith-là ne peut pas être pris pour juger du hadith. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit la fille, il a tout seul, il ne prie que vers une sutara. Et ils nous disent que Nabi sallam lorsqu'il a dit ça à Ibn Abbas, Nabi sallam yani salla ila ghayr, qui n'a pas prié vers mieux, il nous dit ça c'est quand il était à l'extérieur. Parce que quand il était dans la mosquée, il priait vers, comme ça va venir inchallah dans le hadith d'Ibn Omar, que Nabi sallam il priait entre lui et sa sutra ou entre le mur et sa sutra, il y avait un passage suffisant à ce que yani, le mouton y passe. Et il nous dit ça en fait ce hadith là qui est venu d'Ibn Abbas, c'est pour nous montrer que Nabi sallam il avait prié en dehors de la mosquée. Yani laysa fi al-masjid. Ça, c'est un troisième argument qui nous prouve que ce hadith-là ne peut être pris pour dévier l'obligation vers la préférence ou bien al-mustahab. Fait le hadith, yani yabqa kama huwa, il reste comme il est, c'est-à-dire hadith la tusalli illa ila sutratin, pour dire que c'est une obligation qui est imposée à l'imam ainsi qu'à l'individu. Yani lorsqu'il veut prier tout seul, il doit prier vers une sutra. Il doit prier en mettant devant lui une sutra. Donc le hadith, il reste tel quel, même si c'est l'avis d'une infime partie. Des ulama, et naam, ça suffit qu'on ait un hadith avec nous pour dire que même si jamais c'est la majorité des ulama qui disent ça, qu'il est préférable de prier vers une sutra pour dire que l'argument il est faible. C'est wajib à l'imam et kadalika à celui qui préside dans la prière. À ces deux personnes-là, il incombe qu'il prie vers une sutra. Qala rahimahullahu ta'ala. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. Il nous dit, il n'y a pas de différence quant au jugement de prier vers une sutra que tu pries dans une mosquée ou ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur, comme nous prouve le hadith d'Ibn Abbas. قال ولا بين كبيره وصغيره. Et il n'y a pas une différence kadhalika par rapport au jugement, et ni par rapport à la superficie de la mosquée, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, il est obligatoire à l'imam ainsi qu'à l'individu de prier devant une sutra. قال لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فقاتله نعم فإن معه القرين يعني الشيطان يعني ce qui nous prouve que l'obligation est générale, c'est-à-dire quelle qu'en soit la superficie de la mosquée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la mosquée, il est obligatoire à l'individu, ainsi qu'il prie tout seul, ainsi qu'à l'imam, qu'il mette devant lui une sutra, car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est générale et à l'englobe, yani, toutes ces choses-là. Lorsqu'il nous dit, ne prie que vers une sutra et ne laisse personne passer entre toi et ta sutra. Si jamais cette personne se refuse, yani, il veut passer entre toi et ta sutra, repousse-le, faqatilhu, car il a avec lui Al-Qarin, c'est-à-dire Shaytan, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc en effet, la tusalli illa sutaratin, c'est une preuve qui est générale. Ne prie que vers une sutra. Il n'a pas dit la tusalli illa sutaratin, idha kana al-masjid yani saghira. Il n'a pas dit lorsque tu es dans une petite mosquée, mets une sutra. Lorsque tu es dans une grande, ne mets pas sutra. Il a dit la tusalli illa sutaratin. Yani quoi qu'il en soit, tu dois prier devant, comment ça s'appelle, en mettant devant toi une sutra. Donc ceci nous prouve que cet ordre-là, il est global et général. Il englobe toutes les circonstances et tous les cas. Il englobe toutes les circonstances et tous les cas. Jusqu'à preuve du contraire. Que ce soit, on évoque ce sujet-là parce que certaines personnes ils disent Makkah. À Makkah, il n'y a pas besoin de mettre une sutra. Ça, c'est pas sahih. Il y a un hadith qui est venu, certaines personnes ils ont pris un hadith pour dire que lorsque tu es à Makkah, tu n'es pas obligé de prier avec une sutra. Ceux qui ont pu faire le hadith, ils ont pu voir ça là. Certaines personnes se préoccupent et passent devant toi. Comme si jamais, même si jamais tu mets une sutra, il ne se préoccupe pas de ta sutra. Et lorsque tu le demandes pourquoi tu fais ça, il dit on a Mecca. C'est un dalil. Mecca, c'est un dalil que ta sutra, elle est pas obligatoire. Et peut-être que ces personnes-là, ils ont pris comme argument hadith. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, fi hashiyati tawaf, laysa baynahu wa bayna tawaf, ash-shay. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié en plein milieu du tawaf, sans utiliser pour cela une sutra. Ce hadith-là, il est faible. Donc l'obligation, barakallahu fikum, reste tel quel, c'est-à-dire global, dans tous les lieux et tous les endroits, dans toutes les circonstances. La tusalli illa ila sutratin. Ne prie que vers une sutra, que tu sois à Mecca, à Médine, au Quds, chez toi, n'importe quel endroit. Tamam. Qala fa inna ma'ahu al-qarin. Car la personne qui s'y refuse, c'est-à-dire, il veut vraiment passer entre toi et ta sutra, après que tu l'as repoussé, à celui qui passe par inadvertance, qui est insouciant à cela, ce personne-là, on ne peut pas dire ma'ahu al-qarin. Amma la personne que tu as repoussé, ensuite il revient, il me repasse entre toi, celui-là, il y a niqa maqal al-Nabi sallam, fa inna ma'ahu al-qarin. Il est avec lui le shaytan. Donc ceci nous prouve que passer entre le musalli et sa sutra est une conduite yani shaytanique. Yani l'Abbé sallam, il a qualifié cet acteur-là comme un acte yani diabolique ou bien qui est semblable à ceux des shaytans. Car, comme l'a dit l'imam al-Hajar, le fait que la personne passe entre lui et sa sutra, ça le dérange. Et ça le nuit, ça le chamboule dans sa salah. Et ça, c'est yani, la conduite des shaytans. Les shaytans, yani, dont on dit, il veut te chambouler, il veut te mettre des ambiguïtés, il veut te déstabiliser, il veut te déranger dans ta prière, il veut te déranger dans ton dîn. Kazalika, celui qui passe entre toi et ta sutra, si lorsqu'il fait cela, il s'est certes yani, identifié à Shaytan, car il a pour rôle yani, de déranger le serviteur dans sa religion. Et lui, il fait la même chose que Shaytan, c'est-à-dire il te dérange dans ta prière. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fa inna yani, il est avec lui, à Shaytan, yani, il a une conduite de Shaytan. Et certains d'autres savants ils disent que la personne, lorsque tu la repousses et qu'elle revient, pourquoi elle a été qualifiée de Shaytan? Parce que Shaytan, c'est lui qui le pousse. Après que tu l'as repoussé, que tu es prévenu que là il est en train de passer entre toi et etc. S'il revient, c'est comme si c'était Shaytan qui était en train de le pousser pour qu'il te coupe ta prière. Yani, c'est les deux explications qui nous ont été évoquées quant au fait de dire que celui qui passe entre la sutra et le musalli, après qu'il l'ait repoussé, qu'il aime que c'est un Shaytan, telles sont les deux explications qui ont été données à cela. قال رحمه الله تعالى ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي يجب عليه أن يدنو منها أي من السترة. Il nous dit il incombe, Cheikh Al-Albani, il nous dit il incombe à celui qui prie de se rapprocher de sa sutra. Il doit se rapprocher de sa sutra car le Nabi صلى الله عليه وسلم il a ordonné cela. Et la preuve en est par hadith de Sahl ibn Abi Hasma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. Lorsque l'un d'entre vous prie, d'avant une sutra qui s'en rapproche, rapporté par Abu Khuzaima et Sahahahu Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Mughbil, rahimahullah ta'ala. Sheikh Al-Mughbil a authentifié ce hadith-là, dans lequel il nous est dit que la personne, lorsqu'elle prie, elle doit se rapprocher de sa sutra, Certains des ulama voient qu'il est préférable de faire cela et que ce n'est pas une obligation. Celui qui prie vers une sutra, ils disent qu'il est préférable pour lui qu'il se rapproche de sa sutra et non une obligation. Lakin, comme cela est connu dans les règles de usul, yani usul al-fiqh, anna al-amr bi shay yaqtadi wujub fi'l al-ma'mur. Al-amr bi shay yaqtadi وجوب فعل المأمور ما لم يأتي ما يدل على خلافه يعني استحبابه lorsque يعني ça fait partie des règles dans l'usul ou sur le fiqh lorsqu'il nous ordonne une chose lorsque dans le din une chose nous est ordonnée tamam cela implique que cette chose là était obligatoire a été obligatoire jusqu'à ce que une preuve vienne nous prouver le contraire c'est-à-dire qu'elle est soit autorisée ou bien qu'elle est préférable au cas contraire si jamais il y a aucune preuve qui puisse faire dévier le jugement vers l'autorisation ou bien vers le mustahab, vers la recommandation. Donc on doit laisser le texte tel quel. C'est-à-dire, c'est un ordre qui est obligé, imposé à la personne à qui le texte il est avisé. Ça, c'est une règle, parmi les règles de usul, qui est muttafaqun alayhi bayna ulama al-usul. Là, lorsqu'on se penche vers le hadith, dans lequel il nous est dit نعم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها lorsque l'un d'entre vous prie vers une sutra qui se rapproche de cette sutra النبي صلى الله عليه وسلم il a dit فليدنو يعني qu'il se rapproche le fait qu'il dise فليدنو dans l'arabe ceci est considéré comme un ordre parce que فليدنو c'est أمر يعني فعل أمر c'est un ordre c'est un impératif comme on pourrait dire en français dans la grammaire française cet ordre là il implique que c'est une obligation, comme on a pu le voir avec la règle du usul. Tamam al-an, on dit aux personnes qui voient et que c'est préférable, que c'est un conseil, que c'est une recommandation, avez-vous une preuve qui puisse faire dévier le jugement de l'obligation vers le jugement qui est mustahab, c'est-à-dire la recommandation? Et là, s'il n'y a aucune preuve. Donc, on leur dit, le hadith, il reste tel quel. C'est-à-dire que c'est une obligation qui est imposée, comme on a pu le voir, يعني الإمام est celui qui prie tout seul. الإمام est celui qui prie tout seul. Il est obligé que ces personnes-là se rapprochent de la sutra. Pourquoi? Parce que le Messie sallam nous a ordonné cela. Il n'y a aucune preuve qui nous prouve ou qui fasse dévier le jugement de l'obligation vers la recommandation. Donc on laisse le hadith tel quel. On laisse le hadith tel quel. Ceci nous prouve que la position de ces personnes-là ou les personnes qui voient qu'il est préférable de se rapprocher est faible. Et la vie que voit Cheikh Al-Albani en disant wayajib alayhi ou yajib. ويجب أن يدنو منها c'est la vie qui est fort parce que le hadith nous prouve cela il n'y a aucune preuve qui prouve le contraire قال رحمه الله تعالى وكان بين موضع سجوده والجدار الذي يصلي إليه نحو ممار شاه et là Cheikh Al-Albani il passe à la distance qu'il doit avoir entre toi et ta sutra il nous dit entre le lieu de prosternation et le mur vers lequel le prophète sallam se dirigeait vers la prière il avait une distance telle que, ou une longueur année telle que, suffisante pour qu'un mouton y puisse passer. Comme cela, Naham a été rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, sur le hadith de Sa'd ibn Sa'd, « An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala kana bayna musalla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa bayna jidar mamar shah » entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la distance qu'il y avait entre le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et le mur, une distance équivalente ou bien suffisante à ce que le mouton il puisse passer. Donc la distance qui est évoquée dans ce hadith-là, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, c'est au moment où la personne se prosterne ou bien elle s'incline, et non pas au moment où la personne elle se met debout. Car il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Bilal, Mu'adhin Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu, annahu qal, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. Il nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est rentré à l'intérieur de la Kaaba pour y prier, il a mis entre lui et le mur de la Kaaba, tamam, une distance telle que trois coudées. Donc comment on fait la cohérence entre ces deux textes? C'est-à-dire que le hadith qui nous dit que la longueur qui doit être d'un mouton entre entre toi et ta sutra, c'est lorsque tu es incliné ou lorsque tu es en prosternation, comme l'a dit l'imam Ibn Qudamah, rahimahullahu ta'ala. Et le hadith de Bilal qui nous dit qu'il avait une distance de trois coudées, ce hadith-là nous prouve que, ou il nous indique que cette distance-là, c'est la distance qui doit être respectée lorsque la personne elle est debout. Lorsqu'elle se tient debout, la distance entre lui et sa sutra doit être de trois coudées, comme l'indique hadith, barakallahu fikum, hadith Bilal. Hadith Bilal, alladhi rawahu al-Bukhari. Donc c'est ainsi que ce texte-là doit être compris, tamam. Comme ça a été rapporté par Ibn Qudamah. Man Ibn Qudamah, c'est qui Ibn Qudamah? Ou quel livre vous connaissez de cet imam-là, Ibn Qudamah? Al-Mughni, Amdatul Fiqh, Al-Mughni, Masha'Allah. comme vous avez pu le voir avec le frère, le mardi de l'Ahtiqal. Si jamais vous participez avec le frère, Abu Hudayfa, Mohamed Al-Maghribi, قال رحمه الله تعالى فمن فعل ذلك c'est-à-dire de mettre entre lui et sa prosternation ou son inclinaison une longueur telle qu'un mouton d'un mouton فقال فمن فعل ذلك فقد أتى بدنو الواجب celui qui a fait ça il a certes fini il s'est certes rapproché de la manière dont il lui incombe de se rapprocher de sa sutra dont il incombe de se rapprocher de sa sutra quant au fait de se prosterner ou s'incliner de façon à ce que l'imam ou bien celui qui prie tout seul soit en contact avec la sutra, c'est-à-dire qu'il ne met pas entre lui et la sutra une distance, sans excuse valable, et ceci est contraire à la sunna. Ceci étant contraire à la sunna et à l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, كما يقول علم الأصول خلاف الأولى. Il a certes délaissé ce qui est meilleur pour lui, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela, et le fait que cette personne-là, elle ne met, ou bien, elle se met en contact de la sutra, ça c'est une chose qui est préférable de délaisser, car Nabi Sosam, il n'a pas fait cela, et il a laissé une distance entre lui et sa sutra. Certains savants, comme c'est le cas, si mes souvenirs sont bons, d'Imam Malik, rahimahullah ta'ala, et ceux qui ont pris sa position, que qu'entre toi et ta sutra, il n'y a pas de distance qui en est bien précise. Tu pries comme tu veux, tu mets ta sutra devant toi, et la distance qui est entre toi et ta sutra, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ni selon ces savants-là. Tu la positionnes à la distance que tu le souhaites. Mais ça, comme on a pu le voir, c'est contraire à la sunna qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans les deux hadiths, il est montré que Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait une distance entre lui et sa sutra. Une distance qui est bien précise. A savoir, barakallahu fikum, wa waffaqana Allah wa iyyakum, que la distance obligatoire qui doit être respectée dans la prière et entre toi et ta sutra est celle qui te permet de pouvoir repousser la personne qui veut passer entre toi et ta sutra. Ça, c'est la distance obligatoire. Amma la distance de mettre entre toi, lorsque tu es incliné ou en prostration, la longueur d'un arme d'un mouton, ou lorsque tu es debout, trois coudées, ça c'est une distance qui est préférable pour toi, car Nabi Sosam il l'a fait. Amma la distance qui est obligatoire, c'est-à-dire que celui qui ne le fait pas, il a délaissé une obligation, donc il se voit exposé au châtiment d'Allah Azzawajal, c'est la distance qui lui permet de pouvoir repousser celui qui passe entre lui. Et sa sutra, même si jamais il est à peut-être 6 coudées, comme cela est venu de Maqil ibn Yasir, il a pris ce sahabi qui a prié, qui a laissé entre lui et sa sutra une distance de 6 coudées. À partir du moment que cette distance-là te permet de pouvoir repousser la personne qui passe entre toi et ta sutra, sans pour cela faire des gestes et des mouvements qui font qu'on juge de ces jugements-là, que comme si jamais tu n'étais plus en prière. À partir du moment où tu as la capacité de pouvoir repousser cette personne-là, tu t'es certes positionné à la position ou bien à la distance qui te permet de pouvoir repousser. Donc cette distance-là, tu n'as pas commis un péché. Mais si jamais tu t'éloignes d'une façon à ce que tu ne peux pas repousser la personne qui passe entre toi et ta sutra, dans ce cas-là, tu es athim. La personne-là, elle a certes commis un péché. On est Allah subhanahu wa ta'ala an yatoub علينا وعليكم جميعا نعم قال رحمه الله تعالى مقدار ارتفاع سترة كال ايه كال عزيز نسكنتم دسا ان شاء الله ونكنتم 9h22 نسكنتم دسا ان شاء الله donc يعني pour récapituler ce qu'on a appris aujourd'hui la sutra comme on a pu le voir elle est obligatoire يعني la personne elle doit avoir une sutra devant lui et le fait de se rapprocher de la sutra كذلك c'est une obligation qu'il incombe à toute personne. On a vu Kadalika comme jugement qu'il doit avoir la distance qui est préférable entre toi et ta sutra, c'est lorsque tu es incliné ou en prosternation, une distance telle que un mouton ou la longueur d'un mouton. Et lorsque tu es debout, d'une longueur de trois coudées. Et la distance qui t'est obligatoire, c'est celle qui te permet de pouvoir repousser celui qui veut passer entre toi et ta sutra. À partir du moment où tu es éloigné de cette distance-là, qui ne te permet pas de faire cela, ma prière est sahiha. Et accepté, Inch'Allah, mais tu vois, la personne a commis un péché. Voilà. Y a-t-il des éclaircissements ou des questions? Donc, la sutra, on peut dire aussi qu'elle doit être à distance d'une coudée entre sa prostration et sa sutra. Car j'avais vu un certain hadith. En fait, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ou lorsque les rapporteurs les Sahaba qui nous informent de la prière du professeur Sallam, ils nous informent d'une chose qu'ils ont vue. Et pour nous faciliter à ceux qui viennent derrière, ils ont évalué à peu près la distance qu'il doit avoir entre ceux qui prient et sa sutra. Ils ont vu que c'était à peu près à la distance qui est suffisante pour que le mouton y passe. Après le mouton, il khtalif. Tu peux avoir le mouton, il peut être gros, il peut être mince. Mais le truc, c'est quoi le mouton qui est normal, yani le mu'tad, celui qui est. On est entre les deux, ni gros, ni volumineux, et ni qui est tout mince, entre les deux. Donc après ça, la distance précise, on ne peut pas donner une distance précise, mais c'est à peu près. Un mouton, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près une coudée, à peu près la longueur d'une coudée. Un mouton normal, normalement, Inch'Allah, c'est la longueur d'une coudée. Il faut savoir la coudée, Inch'Allah, comme on va le voir, c'est ce qui est à partir du coude jusqu'au poignet. Comme le dit l'imam Shafi'i, l'imam Malik, si je ne me trompe pas. Est-ce que le livre peut être une sutra? Dans les cas, on va l'évoquer. Certains salafs, ils voient que c'est détestable de prier devant. Comme l'a été évoqué par Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, naham. Il nous évoque que certains salafs, ils voient que c'était détestable de prier ou prendre de yanné comme livre une sutra. Cheikh Mohamed al-Hizam, rahimahullah ta'ala, nous dit que ça, cette personne-là, elle n'a pas vécu avec la plupart des salafs, elle n'a pas rencontré la plupart des salafs, mais une partie des salafs. Donc il nous dit, en vérité, Cheikh Mohamed al-Hizam, il voit que le amr fihi yanné sahla, que tu pries devant un livre ou pas, il dit yanné ma fichai. La basse. Cheikh Yahya, il voit que c'est mieux de laisser ces choses-là. Du fait qu'il a été évoqué que certains salafs, ils voyaient que c'était détestable de faire cela. C'est mieux de laisser. Donc, Inch'Allah, c'est mieux de laisser. Ou khayrul din, ou naham, comme j'ai fait l'athar, khayrul din, al-wara. En gros, la meilleure des religions, c'est le fait de s'abstenir. Lorsque tu ne sais pas, tu t'abstiens. Comme ça, Inch'Allah, tu es à l'écart, tu es épargné. Donc, c'est cas-là, donc c'est mieux de ne pas prendre des livres, Inch'Allah. Non, le lit, c'est une sutra. À partir du moment qu'on va le voir, Inch'Allah, la sutra, elle est une hauteur, elle a une largeur. À partir du moment qu'elle rentre dans ces normes-là, c'est un lit. Naam, Kadraïka, le Bissan Salam, quand ça, là, il a servir Aïcha. Il a déjà prié vers le lit de Aïcha. Comment on va le voir, Inch'Allah? Tout ça, là, va venir, Inch'Allah, la sutra. Il reste un petit passage, Inch'Allah, dessus. Même un gros passage. Kadraïka, maintenant, Asaf, Yom al-Jumara. Nabi sallam yani yahuss fi yani bi salat alayhi yani bi sallam il exhorte en ce jour qu'on fasse beaucoup de prières sur lui, c'est-à-dire en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Le fait de répéter cela ou bien de dire Allahumma salli wa sallim ala Nabi sallam, il est très recommandé en ce jour-là. Donc kadhalika, le fait de se précipiter vers la salat, de rentrer au masjid vers la première heure. Sinon, dans la Kofi, comme les femmes dans le masjid sont dans une salle à part. Est-ce qu'elles doivent mettre une sutra aussi? Doivent-elles prendre le mur comme ça à distance? Est-ce que la question, Annie, que tu es en train de. Qui m'a avisé là, est-ce que c'est pour des sœurs qui prient dans une autre salle, mais qui sont présidées par un imam? C'est ça? Elles sont présidées? À partir du moment qu'elles sont présidées, même si jamais. Leur tête, elle est collée au mur, mais affichée. Parce que celui qui est présidé, il n'a pas observé la distance entre lui et la sutra. Il n'a pas sutra. Sutratuhu, sutratu, et l'imam. Leur sutra, c'est celle de l'imam. C'est-à-dire que même si leur tête venait à frotter le mur, mais affichée. Comme on a pu le voir, c'est la parole de Sabani, Al-Fuqaha, Al-Sab'a, Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, et l'akhir. Et comme on a pu voir dans le hadith Ibn Abbas, dans ses nombreux salats, il n'a jamais ordonné à ceux qui prient derrière de mettre une sutra. Donc il n'y a pas de distance à observer pour celles qui sont présidées ou bien pour ceux qui sont présidés. Il n'y a pas de distance à observer. Il n'y a pas de sutra à cela. En fait, mais si l'imam est un soufi, doit-on aller de bonne heure tout de même? Ou alors, on va après. Ça, c'est une bonne question. Inch'Allah, on va la poser. C'est une bonne question. Inch'Allah, on va la poser. Lorsque l'imam, c'est un min ahl al-bid'ah. Parce qu'eux, ils voient que la tukathir, sawad ahl al-bid'ah. Ne rajoute pas du flux aux gens de l'innovation. Donc, le fait de se précipiter à aller à la mosquée, est-ce que ça rentre dans cela? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Ou bien chacun est dans son coin, il lit le Coran. Vous voyez, il parle. Ah ouais. Ah, c'est une histoire. Ah, c'est notre soir. Wallahu a'lam, c'est aqrab. Le truc, c'est que si jamais tu as la possibilité de trouver une autre mosquée, là où l'imam il part pas, c'est mieux. Ou sinon, Wallahu a'lam, c'est qu'il réclame de l'argent. Ah ouais. Le mosqueton, hein. Wallahu a'lam. Inch'Allah, on pose la question. Mais Wallahu a'lam, c'est le truc-là. Les salafis font tous des bid'ah. C'est pas un salafi. Dans le sens. C'est-à-dire avec les bid'ah. Mais ici, les salafis, ils disent qu'ils sont obligés. Obligés de quoi? Ils sont obligés de faire quoi si on ne le laisse pas? Je n'ai pas compris. Ils sont obligés de faire des bid'ah. Inch'Allah. Allah mabarak. Bientôt, ils vont passer à une autre étape, ils vont dire on est obligé d'apostasie. Non, voilà, ok, on est obligé. Tu es obligé de suivre la sunna, ok? Tu vends la sunna pour l'agrément des gens. Les gens, comme il a dit Ibn Mas'ud, agréer les gens, c'est une chose que tu ne pourras jamais faire. Jamais content. Ammaratun bisou. Il y a son abs, tu vas faire, comme ils disent les gens, tu vas lui donner un petit peu, il va prendre ton bras. Trop ça normal. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Alaykum bil hijra. Allah y'aïlana wa y'aïkum alay hijra. Wallah. Partir de ces pays-là, là, c'est wajib, ça c'est ma'ruf, mais là, ça fait partie, c'est un pilier parmi les dînes. Il y en a un pilier du dîne, il y en a de partir de ces endroits-là. Et les koufars, ils te font mal à la tête, et les frères, ils font rien pour t'aider. Et ils rajoutent une couche par-dessus, ça. Nous sommes en Algérie. Ah, voilà. Yani, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, parce qu'Ibn Wahab il a posé la question, il a dit est-ce qu'on peut délaisser un pays là où il y a un pays musulman, il y a beaucoup de désobéissance. Il a dit non, pars de ce pays-là et va dans un pays là où il y a de l'obéissance. Là, on start. Ah ouais, là, on start. La femme, c'est mieux qu'elle délaisse la khutba de Jumu'a dans ce cas-là. Hatta la femme, yani, c'est pas obligatoire à la femme d'assister à la khutba de Jumu'a. C'est pas obligé à elle, donc dans ces cas-là, c'est clair et net qu'elle reste à la maison, c'est mieux pour elle. Après, il y a les coachings cassés, il y a le coton d'ors. On vit dans un zaman. Ceux qui s'entraident dans l'obéissance, tu vois la lahia, mashallah, le mabar, jusqu'au torse. Mais franchement, aucune aide, aucune entraide. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. تمام ان شاء الله سبحان الله وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته